Hey, I can't find nothing on the radio. La mécanique des ondes. Yo, turn to that station. Mécanique. La mécanique des ondes. La mécanique des ondes. Cécile Rondeau-Arnaud. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce 39e épisode de la mécanique des ondes sur fréquence protestante. Nous allons passer trois quarts d'heure ensemble pour parler carrière radiophonique avec celles et ceux qui sont devant et derrière le micro. 39 épisodes, vous commencez à connaître le concept. Aujourd'hui, je reçois une journaliste qui, au vu de sa carrière qui est loin d'être finie, je vous l'assure, peut-être d'ores et déjà aisément qualifiée de plurimédia ou de multi-support. On va expliquer tout ça. Bonjour Pascal Clark. Bonjour Cécile. Alors, vous êtes au micro d'une radio associée. Est-ce que ça vous rappelle des souvenirs ? Oui, est-ce qu'on peut englober les radios associatives dans ce grand magma qu'on appelait à l'époque Radio Libre, à l'époque et l'époque est lointaine ? Oui. Oui. Bah alors, oui. Ce sera oui. Alors, ce sont vraiment des souvenirs qui ont duré un certain moment. J'ai dû écumer la bande FM à une époque. Je suis arrivée sur le marché au bon moment. Donc oui, les radios libres, les radios. Alors c'était une époque hein, assez bouillonnante. Depuis, il y a eu beaucoup. Enfin, il reste les grosses comme d'habitude. Hein, c'est toujours la même histoire. Mais voilà, je connais un petit peu moins les radios associatives actuelles. Mais je suis ravie d'être avec vous. C'est gentil. Pascal Clark, comment vous êtes arrivée justement à faire de la radio ? Vos études, etc. Tout ça, c'est dirigé par une envie ? Je pense que j'ai voulu être journaliste avant tout, mais parallèlement j'ai développé un goût pour la radio que j'ai beaucoup écouté, enfant, adolescente, etc. C'était important déjà la radio, et donc très logiquement, quand je suis entrée dans une école de journalisme qui s'appelait, et qui existe toujours, hein, qui s'appelle le CELSA, je me suis logiquement dirigée vers la radio, d'autant que j'avais eu déjà des expériences en étant étudiante, puisque, encore une fois, c'était l'éclosion des radios libres. Donc, c'était des radios... Là, vous êtes bien, hein, mais c'était une radio dans un appartement. Donc, évidemment, c'était un peu n'importe quoi, pour dire la vérité, mais au moins, voilà, les ondes s'ouvraient. C'est un très bon souvenir. Et c'était un bon souvenir, justement, de parler dans un micro, même avant de faire des études de journalisme. Oui, absolument. Il y avait une sorte à la fois d'effroi, hein, mais c'est assez effrayant, mais en même temps terriblement excitant. Donc là, il y a une espèce d'évidence assez vite. Donc je me suis spécialisée radio, voilà. Et spécialisée radio, mais dans un domaine particulier. Alors, culture, politique. Non, pas de domaine. J'ai jamais eu de domaine, justement. J'ai jamais voulu me spécialiser, à part ce média et cette façon de faire qu'est la radio. Sinon, non, je suis touche à tout parce que je crois à la force de la découverte personnelle. Et je pense que les spécialistes, il en faut évidemment, mais au bout d'un moment, sont un peu trop spécialistes, justement. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus le recul nécessaire et qu'ils se posent plus nécessairement les questions premières. Vous pensez pas que c'est un petit peu français, justement, qu'on soit très spécialiste de tout ? Est-ce que c'est français ? Non, il y a des spécialistes partout. Hein. Je pense pas que ce soit français, mais bon, c'est vrai qu'on en voit beaucoup depuis quelques années, ouais. À la fin de votre première année au CELSA, évidemment, je suppose que vous faites, comme tout le monde, des stages. Donc, en radio, vous allez postuler partout. Vous aviez déjà des contacts de vos expériences précédentes, même en radio locale. J'ai commencé par faire quand même un stage obligatoire en PQR. C'était ainsi au CELSA. Donc, voilà, je me suis retrouvée à Lens, un quotidien qui n'existe plus. La Voix du Nord. Non, La Voix du Nord existe. Nord Éclair, voilà, Nord Éclair, ça n'existe plus. Et j'avais mon quota de stage pour l'année, et puis là quelqu'un de l'école s'est désisté pour un stage en radio que j'ai fait pour rendre service, en fait. C'était à CVS. Alors CVS, c'était une radio à Versailles, quand j'y repense, qui avait été créée le 11 mai 81, vous voyez, donc dès que Mitterrand est arrivé au pouvoir, par Roland Faure, qui dès le lendemain de l'élection de Mitterrand a démissionné de la présidence de Radio France quand même, hein, pour créer cette radio libre, qui n'était pas comme ça passionnante, puisque c'était l'actualité régionale, mais qui avait le mérite d'avoir un matériel exceptionnel. Donc, pour pratiquer, c'était bien. J'ai fait ce stage et j'y suis restée. J'ai pas fait la deuxième année du CELSA, mais ne le dites pas trop. Hein. Ça arrive à d'autres personnes que je ne nommerais pas d'être happée justement par le monde du travail et de ne pas continuer ses études. Vous souvenez, vous savez ce que c'est un CDI ? Vous en avez entendu parler, non ? Ouais, à peu près. Ouais, j'ai une vague idée. Vague idée, voilà. Ils m'offraient un CDI et on passait à des disques compacts. Pas de regret justement de ne pas avoir fait cette deuxième année du CELSA ? Aucun. Et vous avez jamais été rattrapé ensuite par les études, envie d'aller approfondir quelque chose Non, après. Je pense qu'on approfondit tous les jours quand on est journaliste. Je préférais acquérir de l'expérience. Oui, c'est vrai. Aujourd'hui, c'est un petit peu inestimable, on va dire, cette expérience plutôt que des études, peut-être. Oui, je pense que la radio, c'est comme à peu près tout, il faut pratiquer. Donc autant pratiquer pour de vrai, voilà. Alors qu'est-ce qu'elle vous propose justement cette radio? Elle vous propose un CDI, oui, mais alors en quoi? Alors, il y avait un petit peu de tout, hein. C'était à la fois la couverture de la fête des petits pois à Clamart, et puis c'est de l'antenne. Voilà, je me souviens qu'on faisait des journaux qui duraient une demi-heure, et forcément, comme il l'avait prouvé par son attitude, Roland Fort était ancré dans ce qu'était devenu l'opposition, donc c'était incroyable, parce que on avait comme invité Giscard, Chirac, enfin c'était incroyable. Donc on progresse forcément. À moindre frais, c'est aussi ça. Parce que mise à rude épreuve dès le début, face à des grands noms. Oui, c'était absolument incroyable. Et j'aimerais bien savoir, Pascal Clark, dès le début justement, si vous êtes face à des grands noms, vous gérez comment votre stress ou votre adrénaline à l'antenne? Alors, je suis un peu composée de plusieurs choses. Il y a plusieurs choses qui bouillonnent en moi. Les gens ne m'impressionnent pas beaucoup, en général. Mais en tout cas, pas les gens qui ont le pouvoir. C'est pas parce qu'ils ont le pouvoir qui m'impressionne, pas du tout. Parce que d'abord, le pouvoir ne se sent que si l'on s'en sert mal. Normalement, on n'a pas besoin de le prouver, de le montrer, sinon c'est mal barré. Et en plus, on reste des êtres humains tous autant qu'on est. Donc j'ai pu être peut-être plus impressionnée parfois par des gens que je rencontrais qui n'étaient pas connus, plutôt que des gens connus. Donc il y a ça, et puis mais en même temps c'est un peu pince-moi je rêve. Ça. Ouais, ça m'est arrivé des années plus tard quand je suis passée à France Info. J'anticipe un peu dans le récit, mais vous savez quand vous faites un pas de côté et vous dites oh là là quand même. Oui. Quand même c'est. Voilà. A posteriori avec un peu de recul. Ouais. Alors justement, cette radio, ça dure combien de temps, ce CDI? Vous y restez combien de temps? Pas de vitam et d'énerve. Je savais que je suis un peu amnésique, donc si vous demandez des trucs très très précis, je sais pas combien de temps ça. Vous savez pas? Ça dure plusieurs années, j'en sais rien. Moi j'ai comme information que vous rentrez à France Inter en 1995 avec Alex Taylor, un habitué de cette antenne d'ailleurs. Donc je me souviens pas d'avoir travaille directement avec Stellan, je l'ai croisé, mais bon. Non, mais je sillonne un peu la bande FM, après je passe à 95.2, une radio qui n'existe plus, je passe à Europe 2, et c'est vrai que, bon, il fallait que je sorte un peu de cette bande FM, et là, je suis prise à France Info. Ça ne dure que quelques mois. Pourquoi? Parce que Europe 1 m'appelle. Alors que j'étais sous leur nez à Europe 2, mais non, il a fallu, c'était pas prémédité tout ça, mais il a fallu partir sur France Info pour qu'il m'appelle et qu'il me remarque. Et là, j'entre à Europe 1. On est dans les années 90. Et là, j'apprends vraiment mon métier. C'est-à-dire? C'est une rédaction. C'était à l'époque, hein, donc les gens ont changé. Je pense que ça allait demeurer une rédaction très dure, en fait. Une rédaction très dure, très misogyne aussi. Et forcément, on apprend son métier. Donc du reportage et puis assez vite de l'antenne. À la dure, en l'occurrence, dans une ambiance très particulière. À la dure, ouais, avec des gens qui doutent très peu, qui sont convaincus, un petit peu des cow-boys, vous voyez. Mais on apprend, voilà. Donc ça reste des très belles années. Alors ensuite, donc France Info, Europe 1, cette aventure Europe 1 dure combien de temps à peu près? Quasiment 7 ans. C'est énorme, hein? Ouais, c'est énorme. Et donc vous avez fait, vous êtes passé d'émission en émission ou toujours la même? Ouais, j'ai créé une tranche d'info le soir à 22h minuit, Europe Nuit qui existe toujours. Et après, ils ont eu une drôle d'idée, ils ont dit on va l'essayer au 7-9, derrière de la rue. Mmh. Et là, ça a duré très peu. Ça a duré 4 mois, je crois. Pourquoi? Parce que je ne m'entendais pas avec des gens puissants déjà et que ça s'est mal passé, voilà. Non pas à l'antenne, hein, puisque le premier sondage était bon. Enfin, était au même niveau que de la rue, c'était pas si mal. Mmh. Voilà, non, mais je ne me suis pas entendue, donc voilà. Ça m'arrivera à nouveau par la suite. Je pense que j'ai un problème avec l'autorité. Et c'est pour ça que maintenant, Pascal Clark est au final électron libre. Ouais, c'est pas plus mal. Oui, ça fait pas de mal non plus. Pascal Clark, ça va être le moment de la première pause musicale. Alors j'ai envie de savoir ce que vous avez choisi. On va écouter Bachung. Je dis ça parce que dimanche prochain, on votera dans 2 semaines au premier tour. Donc ça s'appelle Résident de la République et c'est sur l'album Bleu Pétrole. Un jour je t'aimerai moins. Jusqu'au jour où je ne t'aimerai plus. Un jour je sourirai moins. Jusqu'au jour où je ne sourirai plus. Un jour je parlerai moins. Jusqu'au jour où je ne parlerai plus. Un jour je courirai moins. Jusqu'au jour où je ne courirai plus. Hier on se regardait à peine. C'est à peine si l'on se penchait. Aujourd'hui nos regards sont suspendus. Président, résident de la République, où le rose a des reflets bleus. Président, résident de la République, des atomes fais ce que tu veux. Peut-être le jour où tu ne me parleras plus. Un jour je voguerai moins. Peut-être le jour où la terre s'entrouvrira. Hier on se regardait à peine. C'est à peine si l'on se penchait. Aujourd'hui, nos regards sont suspendus. Alain Bachung, le regretté Alain Bachung, avec Président de la République, toujours dans la mécanique des ondes avec Pascal Clark. Pascal Clark, on vous a donc laissé à la fin d'Europe 1, donc au bout de 7 ans, si je ne dis pas de bêtises. Vous partez pour quelle antenne au bout de 7 alors, ans? Alors, Jérôme Bellet arrive et me vire. Là, je fais un peu de chômage. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Une saison sur Oui FM le matin. Et ensuite, j'entre à France Inter un été. Et dans la foulée, je fais la revue de presse et ensuite une émission. Vous proposez un concept pour l'été à France Inter? Non, j'étais à l'info. D'accord. C'est-à-dire que je faisais l'interview politique du matin. Voilà, j'étais à l'info. Et ensuite, vous enchaînez avec une revue de presse donc à la rentrée. Mm-mm. Et c'est un exercice difficile. Hein, ouais, ça a été vraiment... À l'époque, ça va faire bizarre hein, d'entendre ça, on parlait 10 minutes, la revue de presse durait 10 minutes, et il n'y avait pas de relance. Hein. Vous voyez, maintenant ce sont des dialogues, etc. Mm-hmm. Et puis surtout, il y avait que le papier. Enfin, c'était avant le numérique, donc le papier avait un poids incroyable. Vous voyez, c'était à l'époque où, quand on était en vacances, dans un petit village français ou à l'étranger, moi je pouvais faire 2 kilomètres pour trouver Libération, pour trouver le journal, donc c'était précieux. Quoi, voilà. Et la revue de presse était très écoutée, forcément. Puisque là, on révélait vraiment ce qu'il y avait dans les journaux. Maintenant, bon, journal sort, le journal papier sort. Et malheureusement, tout est déjà en ligne, même s'il faut s'abonner maintenant, et tant mieux. Combien de temps, du coup, à France Inter? En tout cas, combien de temps de revue de presse? 3 saisons. C'est un peu ma distance. 3 saisons. Ensuite, 3 saisons d'une émission à 9h qui s'appelait Tam Tam. Que vous proposez à la direction de France Inter ou qu'on vous propose? Non, Jean-Luc Hez, je lui dis j'arrête la revue de presse, c'est quand même dur. En tout cas, moi, ça me marquait physiquement. Il y a des gens qui se lèvent au milieu de la nuit depuis des années, mais ça m'avait déjà pas mal flingué le sommeil. Et puis, voilà, je pense que c'est une bonne distance, 3 saisons, voilà. Et j'exprime juste auprès de Jean-Luc mon envie de faire une émission. Et je lui dis, c'est toi qui choisis l'heure, parce que moi, je ne vais pas demander à la place de quelqu'un. Et il a choisi 9h du matin, donc aux sorties de la tranche d'info. C'est une bonne heure, au final, sortie de matinale. Très bonne heure. Alors, Tam Tam, c'était une émission culturelle? Un peu de tout, comme d'habitude. Donc voilà, invité, un peu tous les genres mixés. Ouais, il y avait du son aussi, il y avait pas mal de reportages sonores. J'ai toujours aimé le son et j'ai toujours aimé fabriquer la radio, hein, c'est ça pour moi la radio. C'est aussi la fabrication de la radio. Et c'est vrai que Radio France le permet, le permettait. Là où les autres antennes s'en foutent un peu. Oui, c'est ce que j'allais vous dire. Vous avez peut-être plus la patte, on va dire, de la radio publique, justement, avec ce traitement sonore, plutôt que la radio privée. Quand j'y suis retournée, parce que je suis partie, je suis revenue, et je me suis dit, mais pourquoi je reviens à France Inter après tout ? C'est vrai, il faut se poser des questions. Et en fait, je suis revenue à la maison de la radio. Vraiment, ce côté, on met les mains dans le cambouis, on fabrique tout ce qui passe dans les émissions, on les conçoit, on les produit au sens où, voilà, on décide ce qu'il y a dedans. Donc c'est ça qui m'intéresse, c'est vraiment la mécanique des ondes. Vous voyez? Complètement. Et après, au direct, quand vous êtes en direct, ben, vous oubliez tout, puisque vous pouvez vous appuyer sur quelque chose de préparé. C'est ça l'improvisation, c'est avoir beaucoup travaillé pour être libre de s'en échapper. Alors, du coup, qu'est-ce que vous avez appris? Toujours avec des retours évidemment dans la radio publique, mais qu'est-ce que la radio privée vous a apporté dans votre parcours en ondes, on va dire? Oui, alors donc radio privée essentiellement Europe 1 et RTL. J'étais pas au programme, c'est très important. Je faisais partie des rédactions, donc on peut pas déjà comparer avec ce qui s'est passé après dans la radio publique. Donc ça m'a appris le journalisme, en fait, le journalisme radio, hein, le terrain, l'antenne. Après, non, j'ai pas l'impression d'avoir été moins libre dans les radios privées, je crois pas, en fait. Alors, je fais une parenthèse, puisque je sais que vous avez pas trop envie de l'aborder. Je fais la parenthèse, évidemment, sur la télévision, où on entendait justement que votre voix. Votre voix qui m'a beaucoup marquée, moi, dans ma jeunesse, on va dire. Justement, est-ce que vous en avez joué? Est-ce que vous l'avez travaillée, cette voix? Moi, c'est vraiment une question que j'ai envie de vous poser. Bah, je l'ai travaillée comme, je pense, chaque personne qui passe à la radio travaille sa voix. Enfin, vous aussi, sûrement. Oui, enfin, il y en a, ça n'intéresse pas du tout, que ce soit le souffle, que ce soit le fait de poser sa voix. Si, ah non, mais je n'ai pas travaillé au sens où je n'ai jamais pris de cours de respiration, tout ça, non. Après, on acquiert une certaine technique, c'est normal. Peut-être une façon de poser sa voix, expression que je ne pourrais pas expliquer d'ailleurs, mais quand je vous dis ça, vous comprenez. Après, je pense qu'il n'y a pas de mauvaise voix. Je pense qu'une bonne voix, c'est la sincérité. Et vous pensez qu'évidemment, à la radio, on l'entend, si on est sincère ou si on n'est pas sincère? Évidemment. C'est évidemment. On ne peut pas trafiquer une voix, on peut trafiquer beaucoup de choses, mais pas une voix. Alors justement, le fait qu'on ne vous voyait pas à l'antenne sur Canal+, qu'est-ce que ça vous a apporté ensuite en radio? Puisque on entendait justement que votre voix, que ce soit en aparté ou un café à l'édition, justement... Non, ça ne m'a rien apporté en radio. C'était juste une autre façon de faire de la télévision. Parce que les gens ont dit, ouais, en aparté, c'est de la radio filmée. Mais non, vous regardez, il y a une image ou pas? Ouais. En plus, c'était bien filmé, franchement. Ouais, ouais. Très bon réalisateur, il y avait une belle image. Donc ça n'était pas ça, c'était vraiment autre chose. Ce que j'ai fait en présentant en aparté, c'était voilà, un exercice que je ne referais plus jamais tellement il était particulier. Un interview à la fois entrer dans l'image, parce que moi physiquement j'avais un écran de télé devant moi, hein, donc à la fois être un peu le téléspectateur puisque j'avais cette distance là, guider l'invité et puis faire une interview, donc il y avait tout ça à faire en même temps, c'était très particulier, mais je pense pas que ça m'ait aidé pour la radio, c'est plutôt la radio qui m'a aidé dans cet exercice. Oui, justement, parce que vous ne guidiez l'invité que avec votre voix. Mm-hmm. Et sur la technique de l'interview, non plus, parce que, enfin, il y avait quand même un feeling particulier, justement, juste avec votre voix en interviewant l'invité qui était lui à l'écran. Oui, alors c'était spectaculaire, hein, une émission où il y a la seule voix. Mais franchement, c'était pas le seul élément du dispositif très particulier. La personne, déjà, c'était une émission où il n'y avait pas de public, pas de public, pas d'applaudissements. Une personne seule, dans un espace réduit. Ma voix dans son oreille par une oreillette, hein, pas de rouge aux caméras. Et des caméras qu'on ne voyait pas, ou très peu. Enfin, si on les voyait, elles étaient sur plateau, mais elles étaient dirigées de l'extérieur. Tout ça, c'était un dispositif qui conférait à donner ce résultat-là. Voilà. Alors, cette parenthèse, on va dire, télévisuelle, ensuite, vous retournez, enfin, vous êtes toujours sur France Inter, entre 2009 et 2016, en gros, vous êtes toujours sur France Inter. Moi, je suis passée sur RTL. Oui, enfin, j'ai quitté France Inter parce que je ne pouvais plus faire les deux. Et là, RTL m'a fait une proposition compatible. Voilà, qu'est-ce que c'est? Bah, c'était animé On refait le monde le soir, donc un débat de polémistes. Là, c'était compatible avec la continuation d'En aparté. Alors, est-ce que ça vous plaît, justement, de gérer des polémistes ? Est-ce que ça vous a plu ? Est-ce que ça m'a plu ? En y réfléchissant, pas tant que ça. C'était nouveau à l'époque, hein, maintenant il y en a partout. Ouais. Enfin, c'était nouveau sur RTL, hein, ça avait été créé bien avant moi, mais maintenant il n'y a plus que ça, des polémistes. Enfin, non, moi je trouve ça un peu... J'écoute plus ça, quoi. Ouais, toutes ces tranches d'infos, effectivement, tout le monde donne son avis. Ouais, non. Non, mais c'est intéressant, hein, c'est intéressant. Non, on sature un peu, on sature de pas mal de choses, en fait. Hein. Ouais. Vous revenez ensuite sur France Inter. Alors, je lis plus votre biographie parce que si elle se trouve, j'allais dire des bêtises, hein, Pascal Clark. Alors, vous revenez sur France Inter quand ? Comment se termine aussi je RTL ? En fait, je choisis de quitter RTL pour revenir à France Inter. Pourquoi ? Parce que Jean-Luc Hesse est nommé PDG de Radio France et que c'est certainement l'une des personnes que j'ai rencontrées avec laquelle je me suis le mieux entendue. Pour le coup, admiration sans borne de ma part, ce qui n'a pas couru les rues. Donc, je me dis, il faut que je partage cette aventure. Donc, à France Inter, il vous propose quoi, Jean-Luc Hesse ? Il me propose quoi ? Alors, c'est pas lui qui me propose, parce qu'il est. Mais en tout cas, il a nommé Philippe Val qui me propose à nouveau la case 9h, mais un peu plus tard, une demi-heure, 9h30. Voilà. Donc, j'y retourne et petit à petit, ça évolue et je fais le 9h. Toujours dans la culture, au final. Toujours un peu de tout. Oui, beaucoup de culture quand même, mais pas que. Aussi oui. De la politique, aussi des médias. Toujours le refus de la spécialisation. Alors justement, à la rentrée 2014, vous avez animé Alive. Et justement, c'est... Alors là, c'était le soir. Hein. Oui, ouais. Oui. Alors en effet, oui, parce que ce sera diffusé à 21h, hein, le soir Alive. Et c'est votre générique ou c'est Woodkid, c'est ça ? Ouais. C'était votre générique. Il avait composé le générique. Et c'est pour ça que vous allez le passer en deuxième pause musicale ? Absolument. Et c'est avec Iron. Pascal Clark, il va falloir que vous me racontiez cette anecdote, que vous me racontiez hors antenne pendant qu'on écoutait Woodkid. Oui, donc Woodkid, on était au fait que Woodkid ait composé le générique de Live et arrive la dernière de Live au bout d'une saison. Et on avait préparé un petit mix pour se souvenir de ce générique et de ce jingle. Et je fais ce geste qu'on fait en radio pour lancer le mix. Et là, la porte s'ouvre et Woodkid apparaît pour chanter. Apparaît pour de vrai, j'étais pas au courant. Et c'était le début de l'émission, je m'étais promis de pas pleurer et j'étais déjà en larmes, voilà. C'était déjà fini. Live, ça a duré combien de temps, rappelez-moi ? Une saison. Bien reçu par la critique, hein, j'ai lu sur internet. Vous avez eu des bonnes audiences en fait, avec Alève, même sur une saison. Oui, oui, oui, oui, on a une bonne audience. Ouais. Alors, c'est très compliqué à cette heure-là, hein. C'est un combat, hein, aller chercher les gens qui pensent à tout sauf à écouter la radio. Donc, oui, oui, fallait y croire. Hein. Alors, au bout d'une saison, pourquoi E-Live s'arrête et pourquoi vous commencez quelque chose d'autre qu'est Making Off en 2015? Alors, en fait, là, ça commence à mal se passer avec la direction. Je vais faire court parce que c'est pas si passionnant que ça, mais en gros, justement, cette émission de 2 heures le soir n'était possible qu'avec un soutien. Et pas une indifférence totale. C'était beaucoup d'investissement pour nous tous. C'était 10 heures, 11 heures pour préparer cette émission. C'était sacrifier ses soirées. On avait beaucoup donné. On avait bien donné parce que, comme vous le soulignez, ça marchait bien. Et on n'a pas de soutien et on a de l'indifférence. Donc je dis que j'arrête. Voilà. Mais on vous propose autre chose ou vous proposez du coup autre chose? Là, ça commence, le vent commence à tourner. D'accord. Pour moi. Il y a eu changement de direction, tout ça. Et voilà, là, on me met une saison dans un placard. D'accord. Vous quittez définitivement, rappelez-moi, quand France Inter? En juin dernier. Donc en juin 2016. Évidemment, on va consacrer la dernière partie de cette émission à votre nouveau bébé, on va dire, Boxon. Alors, on va expliquer hein, tout ce que c'est, comment c'est, qu'est-ce que c'est. Vous lancez donc une plateforme de podcast. Alors, oui, on peut même dire une radio. Vous appelez ça radio. Mais c'est une radio parce que la radio, quitte à créer quelque chose, autant se plaquer sur les habitudes maintenant d'écoute qui évoluent énormément. Maintenant, les gens veulent écouter ce qu'ils veulent écouter. Exactement quand ils veulent. Voilà, ils font leur choix de programme et ils écoutent quand ils veulent, pour ceux qui n'écoutent pas en direct. Donc nous, on a choisi de se plaquer là-dessus et on a choisi aussi ce petit instrument qu'on a tous, cet objet qu'on a tous dans nos poches, qui s'appelle un smartphone. Et voilà, et on fait donc une offre de programme. On propose plein de programmes, plein de reportages, plein de rendez-vous, plein de voix, avec des formats différents, dans l'idée que les gens écouteront quand ils veulent et où ils veulent. Voilà, on joue beaucoup sur la mobilité, on peut écouter dans le métro parce que il n'y a pas de réseau dans le métro, mais ça aurait été téléchargé. On peut écouter dans le train, on peut écouter sur son tracteur, on peut écouter chez soi même en préparant une tarte tatin, j'en sais rien. Voilà, on a décidé de fabriquer ça. Je voulais savoir depuis quand vous aviez eu cette idée, Pascal Clark. Bah, ça fait près de 2 ans maintenant, hein. Ça commençait à trotter. Ça part toujours d'une frustration quand on veut créer quelque chose. Hein. Si on est content de ce qu'on trouve, on tente pas de créer. Donc je sentais que le son quittait la radio, en fait. Le son n'intéresse plus beaucoup les radios. C'est quand même bizarre quand on y pense. C'est la matière première. Donc oui, on peut avoir des radios où des gens, plutôt des gens d'ailleurs, qui sont dans la place, hein, parlent. Et puis il y a de la promotion, et puis il y a des comiques, et puis il y a des... Mais... Voilà, surtout sortir une radio là en 2017 avec ce pays totalement déboussolé, on peut pas se plaindre après qu'on n'écoute pas le pays, voilà. Donc on s'est dit, on n'a pas de studio, on n'a pas besoin. C'est le numérique, ça nous permet ça. Donc on va sur le terrain, on récolte du son, on raconte nos histoires, tout ça, on les monte sur ordinateur, et puis ça finit par faire une offre de choses concoctées avec amour. Et avec du temps. Oui, c'est surtout du temps. J'imagine que ça vous prend énormément de temps. Alors, vous appelez ça effectivement une radio. Moi, j'appelle ça des podcasts. Si pour vous le voulez, moment, oui, non, podcast, non. C'est un peu le mot-clé. Oui. Mais ça, voilà, ça. C'est comme quand on dit voile. Il y a 10 000 façons de porter le voile, vous voyez. Et il y a 10 000 façons de faire du podcast. C'est un terme vraiment générique parce que c'est nouveau. Enfin, c'est nouveau. Moi, je connais beaucoup de gens qui écoutent du podcast. Hein. Justement. On va pas faire semblant de découvrir ça. Bon, aux États-Unis, c'est gigantesque. Même si on a 10 ans de retard habituellement pour tout venant des États-Unis. J'espère qu'on aura d'ailleurs aussi 10 ans de retard par rapport à Trump. Vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà. À la fois, c'est naissant parce que tout le monde ne le connaît pas, mais c'est l'avenir. C'est vraiment l'avenir. Alors justement, moi, je voulais savoir si vous en aviez écouté des podcasts américains. Est-ce que vous les avez suivis? Justement, quand vous avez eu cette idée de Boxon, est-ce que vous êtes allé voir un petit peu ce qui se faisait? Oui, alors oui, j'en ai écouté un petit peu, mais je voulais pas trop en écouter parce que je sais que certains ont fait ça et c'est leur droit. Hein, ils ont plaqué des modèles américains en France. Comme en radio il y a 10 ans, oui, où on allait ou comme chercher la télé, vous voyez. Bien sûr. Voilà. Et moi, j'ai pas envie de faire ça. Donc j'ai un peu écouté quand même pour voir plus voilà ce que c'était. Mais en fait tout est possible, c'est pas la peine d'écouter, tout est possible en podcast. Et donc autant essayer de pas copier, faire comme on sent, comme d'habitude. Moi j'ai toujours fait comme je sentais. Finalement c'est pas une règle plus stupide qu'une autre, hein, voyez, plutôt que de jouer sur le marketing ou des choses comme ça. Donc non, on a fait, et chacun fait comme il sent dans l'équipe, hein, tous ceux qui nous ont rejoints. Alors évidemment, nous on écoute avec ma co-créatrice Candice Marshall, on est là pour, il faut bien des oreilles et prendre des décisions, mais quand même on incite à la liberté d'écriture. C'est pareil, est-ce que on est condamné à employer toujours les mêmes mots pour dire les choses, ou vous voyez, c'est frustrant au bout d'un moment, quoi. Et c'est difficile parce que vous venez, bon, la majorité effectivement de ceux qui vont faire Boxon viennent de la radio, mais qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On se décode des codes qu'on a en radio, c'est-à-dire effectivement que ça soit un ton, que ça soit un format, que ça soit une façon de prendre du son. Alors je vais vous raconter ça. On a dans l'équipe une journaliste qui travaille sur RMC, donc qui est à la rédaction, hein, qui part en news, etc. Généralement elle fait un papier de 50 secondes et quand c'est fait c'est 1 minute 10. Et elle est souvent à Calais, parce que Calais, évidemment, on a beaucoup envoyé les journalistes à Calais, hein, dans les mêmes conditions. Et là, elle a noué des contacts avec un jeune érythréen. Et elle a décidé de raconter son histoire pour Boxon. Ça veut dire un feuilleton, à peu près 5 fois 20 minutes, avec tous les trajets de cet érythréen, avec ses témoignages, etc. Elle a fait quelque chose de magnifique. La première fois, son commentaire, sa voix, c'était comme ça aurait pu être sur RMC, c'est normal. Et nous, quand elle nous racontait ça dans la vie, c'était passionnant, parce qu'il y avait aussi, l'idée d'elle, journaliste, par rapport à cet érythréen migrant parmi tous ces migrants, et ce qu'elle avait développé avec lui. Et on l'a poussée à écrire autrement. Elle a chopé une écriture, seule, hein, après, hein, elle a fait des tentatives, elle a chopé un ton, et c'est magnifique. Et complètement différent, du coup, donc elle a réussi à se décoder. Ouais, elle s'est décodée, exactement. Elle s'est écoutée. Par exemple, s'écouter et faire part de son ressenti quand on est sur le terrain. Est-ce que c'est un crime? Est-ce qu'on sera plus éloigné pour autant de la réalité, ce qu'on nous décrit comme la réalité ou l'objectivité? Non, moi j'y crois pas du tout. Et donc on essaye de développer des nouvelles écritures. Voilà. Boxon, ce sera payant, Pascal Clark, vous avez fait un financement participatif. Je connais un petit peu la réponse, mais j'ai quand même envie de vous entendre. Pourquoi ne pas avoir été chercher un sponsor, on va dire peut-être en lien effectivement avec le son, pourquoi pas, plutôt que par abonnement, mois après mois? Est-ce que vous y croyez justement à ce modèle? Pourquoi celui-là plutôt qu'un autre? Alors pourquoi celui-là? Parce que quitte à sortir un média, autant qu'il soit indépendant. C'est pas rien. C'est pas rien l'indépendance, et je pense que tout le monde, c'est pas juste une histoire de je sais pas, de journaliste ou de coquetterie, pas du tout. Je pense que les gens sont très sensibles à ça. Et donc, pas de pub, on voulait pas de pub. Et ça, je pense qu'on est assez les seuls sur le registre du podcast. Et on voulait pas de grands financiers, de cette poignée de grands financiers qui détiennent tous les médias en France. On le rappelle pas assez, mais quand on regarde la carte de la concentration, s'il n'y avait pas écrit France, hein, franchement, ça pourrait être un pays légèrement totalitaire. Donc on ne voulait pas de ça. Qu'est-ce qui reste? Il reste l'abonnement. C'est-à-dire une espèce de contrat de confiance entre les gens qui vont nous écouter et puis nous. C'est pas la voie facile, je vous le dis honnêtement, mais pour l'instant on tient. Voilà, et on estime que c'est très important. Moi j'ai envie de vous souhaiter bonne chance parce que le lancement c'est la semaine prochaine. Exactement. Ça sera en ligne, Boxon sera en ligne sur boxon.fr le 18 avril et j'espère pour un petit moment. Alors rappelez-nous, on pourra s'abonner donc pour 1, 2 ou 3 mois, c'est ça? Ah ben on peut s'abonner pour la vie si on veut. C'est ça. Donc c'est 9 euros par mois avec évidemment des tarifs pour les moins de 25 ans et pour les sans-emploi qui malheureusement sont nombreux dans ce pays. Et ça fait un abonnement annuel à 90 euros. D'accord. Alors à part effectivement ces reportages, comme vous le disiez, on aura la surprise aussi la semaine prochaine. J'ai pas aussi envie de trop vous faire parler puisque les auditeurs vont aller découvrir. Il n'y a pas que des reportages, hein. Il y a aussi des rendez-vous, il y a aussi des choses très particulières. Je peux juste dire par exemple qu'on a produit un podcast pour les insomniaques. C'est-à-dire c'est une composition musicale réalisée par un bruiteur de cinéma. Et qui s'est donné un challenge, hein, c'est pas juste esthétique. Normalement, vous l'écoutez, vous trouvez le sommeil. Alors, Pascal Clark, généralement, les invités de la mécanique des ondes posent des questions aux invités suivants. L'invitée précédente, c'était une certaine Élodie Font. Salut Pascal, c'est Élodie. C'est assez rigolo de se parler par micro interposé. Bon, j'ai déjà la chance de pouvoir avoir les réponses à mes questions en direct, puisque je peux te les poser en vrai de vrai. Mais dans cette émission avec Cécile, j'avais quand même envie de te demander comment tu vis la remise en question permanente que ce métier nécessite. Parce que je me pose la question, comment on fait au bout de 30 ans? Et puis, je me demande aussi à quel moment tu t'es rendu compte que tu avais quand même une sacrée voix de radio. Merci pour tes réponses et puis à très vite en vrai. Alors, ça clôt bien l'émission, la question d'Élodie Font. Ben oui, Élodie est boxeuse, voilà. Ah oui, on va bientôt donc l'entendre. Je vais l'entendre, ouais, sur Boxon. Je commence par la voix. Comme chacun d'entre nous, je suis la seule à entendre ma voix comme je l'entends. Hein, c'est pareil pour chacun d'entre nous puisqu'on l'entend de l'intérieur. Donc moi, j'ai découvert ce qu'on m'a dit. Quoi. Au bout d'un moment, on m'a dit que j'avais une belle voix. Et puis on me l'a dit, et puis on me l'a redit. Et je ne sais pas très bien ce que c'est une belle voix, mais apparemment c'est une voix particulière. Mais je suis la plus mal placée pour en parler. Parce que moi, quand je l'entends de l'intérieur, elle n'est pas du tout comme ça. C'est logique. Et sinon, Élodie, c'était quoi la remise en question? La remise en question, vous savez, je pense qu'elle est, elle vient de moi surtout. J'ai pas beaucoup de certitudes. Voilà, j'ai plus des doutes. Donc, j'ai beaucoup changé de programme. Je vous l'ai dit, hein, j'ai rarement fait plus de 3 saisons parce qu'au bout d'un moment, je me dis, je vais lasser, etc. Et voilà. Donc. Mais ça fait du bien de se remettre en question et d'aller chercher de nouvelles choses et d'aller se questionner. Oui. Tant qu'il y a l'envie, ça va. Oui, c'est voilà. Ça. C'est le plus important. Pascal Clark, on termine par un questionnaire rapide. Une femme de radio qui aurait pu ou qui pourrait être votre modèle? Ah, j'ai pas de modèle. Non, c'est sans prétention. Hein. J'ai pas de modèle, pardon. Ou une femme de radio que vous avez entendue peut-être dans votre enfance ou votre adolescence? Qui vous a inspiré? Il n'y a pas beaucoup de femmes, hein, dites donc, maintenant que j'y pense. Maintenant, il y en a beaucoup plus. Ouais, tant mieux. Non, pas de réponse? Non. Bon, question suivante. Quelle radio, justement, résumerait votre enfance et votre adolescence? C'est simple, hein. Il n'y en avait pas beaucoup. Donc, je dirais les trois, en fait. Aussi curieux que ça puisse paraître, parce que ça n'a quand même pas grand-chose à voir. Europe 1, RTL, France Inter. Les trois se complètent bien, mais les trois sont complètement différentes, en tout cas depuis longtemps. Quelle radio vous réveille le matin? Ça dépend. Ça dépend des moments. Plutôt France Inter quand même, mais pour aller vérifier ce qui se passe, mais quitte à aller voir autre chose. Quelle radio vous endort le soir? Quelle radio m'endort le soir? Non, je ne m'endors pas avec la radio. Je m'endors plutôt avec de la musique. Un endroit où vous écoutez toujours la radio? Un endroit où j'écoute toujours la radio, c'est un moment plutôt, c'est le petit déjeuner. Un endroit où vous ne l'écoutez jamais? Aux toilettes. Votre meilleur souvenir de radio, s'il n'y en a qu'un seul à retenir? Impossible. Le pire souvenir de radio? Le pire souvenir de radio, impossible, il y en a beaucoup. Alors Pascal Clark, on va terminer par un conseil à donner à quelqu'un qui veut faire de la radio. Oh là là, les conseils. Pas de pression. Non, quelqu'un qui veut faire de la radio. Ouais. Voilà, il est très simple le conseil. Qu'il en fasse. Bah voilà. Bah oui, non, c'est pas compliqué. Ah non, mais c'est sûr. Maintenant, il y a du matériel qu'on peut. Voilà, c'est facile de faire la radio, c'est léger. On télécharge un logiciel de montage qui est même parfois gratuit, vous voyez. Et puis, faut en faire quand on veut en faire. Ben voilà, c'est très bien pour terminer cette émission, Pascal Clark. Il y en a qui vont dire de faire des études, vous voyez, donc il y en a qui vont dire de faire de la radio. Non, pour faire de la radio, je ne dis pas qu'il faut être un culte, c'est pas ce que je veux dire, mais ça va au-delà des... Enfin, on peut très bien faire des études et puis faire de la radio en même temps, c'est pas le propos, mais la radio, pour faire de la radio, il faut faire de la radio, c'est tout. Voilà, c'est tout. C'est très bien. Donc on va retrouver Boxon la semaine prochaine, à partir du 18 avril, sur boxon.fr. Alors Boxon, je précise, c'est Boxons. www.mecaniquedesondes.fr. Ça, c'est à partir de la semaine prochaine, du 18 avril. Et vous pourrez réécouter cette émission sur le www.lamecaniquedesondes.com et sur le www.fréquenceprotestante.com. Pascal Clark, merci beaucoup. Ah bah merci à vous.